la vie. Faire les conséquences. Dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. T'agis sans réfléchir, mais comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.